Jean Lorrain, Monsieur de Phocas, dixième partie. Lasciat ogni speranza. Avril 1899. Freineuse. J'y suis revenu dans l'espoir de la guérison et je n'y ai trouvé que l'ennui. J'ai visité une à une les chambres vides, les chambres quittées, depuis 20 ans. Je n'ai pas eu une émotion. Freineuse, qui a contenu toute mon enfance, m'a paru une demeure étrangère. À chaque fois dont le jardinier m'ouvrait les portes, l'odeur de renfermé seul a affecté désagréablement mes sens. Même dans la chambre où ma mère a vécu les derniers mois de sa vie, je n'ai ressenti que la sèche et froide hostilité d'un vieux logis provincial, parcouru pour la première fois par un héritier de hasard. La femme du jardinier entr'ouvrait un peu les persiennes closes. Un peu de soleil tombait par l'interstice, éveillant la poussière sur le marbre des commodes, tandis que dans l'enlincellement des housses, la rigidité des sièges se rencognait dans l'ombre. Dans le grand salon, je remarquai que la rosace du plancher était pourrie et que ses lamelles de touilla cédaient. Le guéridon du milieu en était un peu penché, dérangeant ainsi l'harmonie glacée d'une vaste pièce rectangulaire et figée dans ses tentures d'un verre ciguë broché de lyre d'or. En premier étage, un relent d'éther était resté, tenace, dans les boiseries d'un cabinet. Machinalement, j'ouvrais une toilette. Des flacons de pharmacie, vides, y étaient encore rangés sur une tablette. J'en lus les étiquettes. C'était une des petites pièces où le caprice excédé de la malade aimait à aller reposer sa souffrance, loin de la chambre accoutumée, une des officines aussi où elle pansait son mal. Dans un tiroir que je tirais, un petit éventail à branches de nacre et tout mis cassé de paillettes reposait sur un lit de roses sèches, parmi des rubans d'un lilas tendre maintenant fané. Et parmi ces rubans, j'effleurais un portrait, une photographie d'enfant jaunie, effacée, presque brumeuse, et dans laquelle je n'ai pas voulu me reconnaître. Et le soir seul, dans la grande salle à manger, ornée de bois de serre et de panoplies de chasse, accoudée sur la nappe, devant une tasse vide, j'ai attendu très avant dans la nuit qu'une émotion ou qu'un spectre surgît de toutes ces choses qui ont été ma vie. J'espérais qu'une larme me monterait aux yeux, qu'un frisson futile de crainte éteindrait et ferait battre un peu ce qui autrefois fut mon cœur. L'ombre de Jean Destreux viendrait-elle, elle dont l'apparition m'avait conduit ici? J'écoutais un grignotement de souris dans la boiserie, excédé et penaud de me trouver là, dans cette demeure inhabitée et triste, seul dans le silence de la campagne endormie. Mais l'inconnu que j'attendais, la grâce des larmes implorées, ne se manifesta pas. Quel homme suis-je donc devenu? Une âme s'est séchée ou figée en moi, qui jamais ne refleurira. C'est comme une faim et une soif de jouir et de souffrir autour d'une chose pétrifiée et durcie. J'aurais tant voulu être ému, effrayé. Une larme, un effroi, et c'était toute une nouvelle orientation de ma vie, une porte ouverte sur l'avenir. C'est cet avenir qui se jouait, et je n'avais même pas la légère étreinte d'une petite angoisse, mais la parfaite conscience de ma tentative inutile, de ma démarche un peu bébête, et de ma présence ridicule dans l'abandon de ce château désert. Et puis une heure a sonné à l'église du village. Je suis sorti sur le perron, respirer l'air froid de la nuit. Un chien a aboyé dans une ferme et des grognements ont répondu du chenil. Je suis descendu aux écuries. J'ai détaché 2 ponceaux de mer et je me suis enfoncé avec eux dans le parc. Les grands arbres sommeillaient immobiles, encore squelettes. Le printemps est si tardif en Normandie. Mais le ciel semblait de lait, tant il était ouaté de nuages sous la coulée des rayons de lune. Oui, une source de lait lumineux filtrant dans le brouillard. Quel calme et quelle solitude! On n'entendait pas bouger une feuille, mais une odeur de jeune écorce et de mousse humide emplissait tout le parc de fraîcheur. Nous sommes revenus par le potager. Les vitres des châssis brillaient doucement sous la lune, et j'eus une minute l'envie d'y rafraîchir mon front qui brûlait. Comme leur nacre bleuie devait être froide, froide comme les vitres de mes croisées, quand, adolescent, durant mes nuits de fièvre et de puberté, je me levais de mon lit et courais, pieds nus, appuyer ma tête à leurs parois humides. Mes désirs alors, à voir l'immense ciel tranquille, s'évaporaient comme des brumes. Qu'étaient auprès de l'effroyable usure actuelle de ma chair et de mon âme ces fièvres éphémères de mes jours passés. Et je suis rentré à l'aube, épuisé de fatigue et trempé de rosée, meurtri, endolori, rempli de lassitude physique et lourd, comme d'une humeur de mon indifférence, de ma morne impuissance à pleurer et à souffrir. Qui fera donc crever cet abcès de rancœur et de tendresse avortée? Ce ganglion gonflé de passion étouffée et de douleur morte? Quel forceps, quelle éclampsie, atroce et salutaire, me délivrera de cet abominable et pesant foetus d'âme qui me rendra le don des larmes? Je serais sauvé si je pouvais pleurer. Ce commencement d'émotion de ma nuit à Montmartre, dans ce bouge à 3 francs, de la rue des Abbesses, si je pouvais le retrouver. Fréneuse, 6 avril 1899. Aujourd'hui, ça a été le lamentable et piteux défilé des fermiers, du curé et des autorités du pays. Tout se sait dans ces trous de campagne où on n'a pas pu cacher ma venue. Et le village est besogneux, et toute l'avarice et l'astuce normande à l'affût de l'aubaine sont venues quémander et se plaindre au château. J'ai donné 500 francs au curé et diminué les baux de 3 fermiers. Mais je n'ai reçu ni le maire, ni l'instituteur qui voulait m'emmener visiter les écoles. Les nouvelles écoles bâties sur les plans d'un architecte de Paris, quelques monstrueuses constructions modernes. Si j'en juge par les grands toits prétentieux qui déshonorent désormais la gauche du parc. Leurs écoles. Je n'ai même pas voulu retourner à la ferme. Il m'a suffi d'entendre le gérant m'énumérer les améliorations faites pendant mon absence à la demande des tenanciers. Canaux et caniveaux, toits d'ardoise en remplacement des toits de chaume, étables et laiteries modèles, piscines dallées pour baigner les chevaux, 40 000 francs réservés depuis 3 années sur les baux pour moderniser et pour mettre au goût du jour les anciens locaux. Non, je n'ai pas voulu retourner à leur ferme. Jean Destreux n'aurait pas été Jean Destreux sous la charpente neuve d'un toit d'ardoise, entre les murailles pavées de faïence d'une écurie anglaise, entre des boxes de pitchpin au lieu des anciens bas-flancs des chevaux. C'est l'atmosphère qui crée les êtres, et quand on la détruit, on abolit jusqu'à leurs souvenirs. Je ne suis pas venu ici pour tuer un spectre. Je n'ai pas même eu cette peine, puisque dès mon arrivée à Fréneuse, tous les spectres se sont évanouis. Comme ce pays est laid et triste en avril, le printemps y grelotte, hésitant et âpre. Toutes les giboulées de mars sont encore en suspens dans l'air, la végétation tardive. Et par la tristesse des hauts plateaux, les labours ondulent à l'infini sous la maigre poussée des jeunes seigles et des blés verts. C'est l'enfance des récoltes, mais une enfance rachitique et souffreteuse, sous la bise aigre et la menace d'un ciel éternellement couvert. Oh, l'aspect pierreux et cru des ciels normands, à la fin de mars. C'est leur incurable détresse qui apparut dans l'imposte des hautes fenêtres de Fréneuse, a attristé toute mon enfance et m'a rendu l'âme malade de cet étrange désir que j'ai, toujours gardé de sensations acides et de pays d'ailleurs. C'est comme Fréneuse, comme l'enfilade des pièces, quittée si vaste, m'a paru mesquine. Ce parc dont les futaies m'attiraient jadis, mystérieuses et bruissantes, n'a pas 3 hectares. Il tiendrait dans ma main. Au bout de chaque allée, on aperçoit les champs. C'est la monotonie de ces guérets qui enlise et vous effrite l'âme. On est dans ce Fréneuse comme dans une île battue par une mer de labour. Et je comprends d'où venait cette pesanteur d'orage, où je respirais à peine, où j'attendais je ne sais quel miracle qui déchira l'atmosphère d'angoisse de ces sillons et de ce parc. Je m'y sentais enfermé, captif dans un phare, et la présence infinie des plaines m'y donnait le mal d'au-delà, dont on souffre au bord de la mer. La mer, les prunelles d'eau de Jean Destreux, c'est parce que ces yeux-là avaient en eux tout ce que je désirais et que j'ai cherché depuis, et que je poursuis encore, qu'ils sont demeurés dans mon souvenir. Ils ont été la première révélation d'un impossible bonheur, le bonheur de l'âme. Ce sont les yeux de pureté de mes années d'ignorance. Et ce n'est qu'après m'être dépravé et corrompu au contact des hommes que j'ai convoité follement les yeux verts. La hantise de ces prunelles glauques est déjà une déchéance. Avec quelle fixité d'adoration effrayante. J'aimais et je désirais les êtres et les choses quand j'étais enfant. Le secret du bonheur eût été peut-être de les aimer tous, sans en préférer aucun. Chaque créature indique Dieu. Aucune ne le révèle, ai-je lu quelque part. Dès que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu. Même jour, 9 heures du soir. Tantôt, en revenant du cimetière, j'ai fait un grand tour pour ne pas avoir à traverser le village. J'ai voulu éviter les commères au seuil des portes, la sortie des enfants de l'école et la parlotte des hommes devant le bourrelier et la forge du maréchal Ferrand. Il me semblait qu'ici même, mon horrible réputation m'avait précédé et suivi. Une irritation m'a pris en prévision des rires niais et des chuchotements, et j'ai rasé les haies en suivant derrière les maisons. Du côté de Castelvieux, une roulotte de saltimbanque était arrêtée en plein champ. Dehors, une femme faisait la cuisine sur un petit poêle de fonte. Tranquillement assise, sur une chaise, elle surveillait la cuisson du repas du soir. Du linge encore humide séchait aux fenêtres de la voiture. Et 2 enfants, 2 gosses à moitié nus, avec de superbes yeux noirs, lutinaient une chèvre qui devait être de la famille. Des petites mains terreuses pétrissaient avidement les mamelles, et des bouches cherchaient à en saisir les pies. Le ciel s'attendrissait dans le crépuscule, barré au-dessus des plaines d'un trait de cinabre. Le vent s'était apaisé, et dans cette tiédeur et cet amollissement du soir, une silhouette d'homme s'approchait, déformée par un sac de pommes de terre qu'il portait sur l'épaule. Et silencieux, l'homme baisait la femme au front et puis, lâchant son sac, dégageait la chèvre, s'emparait des 2 petits, les embrassait éperdument. C'était un grand homme mince à la face hardie, illuminé de dents très blanches, l'air sombre et joyeux à la fois. Il sentait la sueur et la poussière, mais comme un parfum de genêt était demeuré dans ses haillons. Il me toisait insolemment du regard et m'éclatait de rire au nez, tout en baisant goulûment ses gosses. Je m'étais arrêté pour le regarder. Je repris mon chemin sans rien dire, me répétant à voix basse cette phrase d'André Gide dans les nourritures terrestres. Je me suis fait rôdeur pour pouvoir frôler tout ce qui rôde. Je me suis épris de tendresse pour tout ce qui ne sait où se chauffer. Et j'ai passionnément aimé tout ce qui vagabonde. Tout à l'heure, après mon dîner solitaire, en tête-à-tête avec moi-même, je suis entré dans la bibliothèque, et j'ai pris au hasard un volume pour tromper mon ennui et attendre le moment de me coucher. Il s'est trouvé que c'était le Dante, un tome en italien de la Divine Comédie. Je feuilletais au hasard et suis tombé sur ce passage. Lasciate ogni speranza. Laissez toute espérance. Il y a de l'écho dans Freineuse. Envoi de fleurs. Freineuse, avril 1899. Mes malles sont bouclées. Dans une heure, j'aurai quitté Freineuse. Et dans 5 heures, je serai à Paris. Je ne peux plus, je ne peux plus. Cette solitude m'étouffe, ce silence me pèse. Oh, mes affres de cette nuit devant la tranquillité morte de ce village et de ses plaintes. À Paris au moins, on sent l'haleine de tout un peuple endormi, tant de luxure y veille, tant d'ambition, tant d'inquiétude et tant de haine. Ici, toute une humanité harassée tombe dans le sommeil comme dans un trou. Oh, la léthargie de ces fermes, de ces hameaux muets, sous ce vaste ciel, et l'effarante angoisse de tous ces points noirs dans la nuit, sans une seule lueur indiquant la vie. Accoudé à la fenêtre ouverte, j'avais la sensation d'être dans un cimetière, seul, à l'abandon, oublié dans une panique au milieu d'une province vidée par une peste. Il me semblait que tous ces villages ne se réveilleraient plus, et c'était un besoin violent, impérieux, de m'affirmer de la vie, des envies de morsures et de baisers qui me faisaient la bouche sèche, avec, dans tous les membres, des rages d'étreindre et de palper, qui me crispaient douloureusement les doigts. Si j'avais encore possédé les communs comme jadis, je serais descendu, trouver une fille de ferme. Dans une ville, on sait où aller quand la frénésie vous prend. J'ai déjà connu ces crises d'hystérie atroces. Il y a déjà 2 ans que je n'avais eu pareil accès. Il a fallu que je vienne à Freineuse pour réveiller l'horrible mal. Et j'étais venu chercher ici le calme. J'avais cru que ce pays me serait un refuge. La solitude, le silence, quelle formidable excitation, au contraire, pour les mauvais instincts. Toutes les floraisons vénéneuses de l'âme y poussent, une sève exaspérée par l'ennui. Et c'est dans la cellule des moines que le mauvais livre aux consciences ses plus rudes combats. Le temps d'écrire ces quelques lignes, hâtivement sur mon carnet, d'y constater irrémédiablement ma déchéance, et le temps marche, les postiers du grand break, piaf, devant le perron. J'entends descendre les bagages. Dans 10 minutes, nous serons partis. Avril, Paris. Tirse de crêpes éclos en calice funèbre. Je suis, fiers iris noirs, épris de vos ténèbres. Fleurs d'angoisse et de songe, un monstrueux désir. Gonfle vos tiges d'ombre et des fêtes à plaisir, vibrantes d'un étrange et lourd ferment de vie. Vous vivez dans la fièvre, étant inassouvie, et bien plus fortement, le mal étant en vous, que les autres iris, les chastes et les doux. Une lente agonie étreint vos cœurs hostiles, vous êtes à la fois cruel et subtil. Ô douloureuses fleurs de lune et de velours, les projets avortés, les rancœurs farouches, les mornes trahisons des regards et des bouches, sommeil dans la nuit de vos pétales lourds, turgide floraison d'un jardin de supplice, mon âme trouve en vous des sœurs et des complices, de mon rêve obsédé des pharentes amours. Ces vers, je les ai commis au temps de ma jeunesse, à la gloire des iris noirs, car moi aussi j'étais un peu poète aux environs de ma 20e année. L'apparente complication du jeu des rimes et des rythmes devait séduire mon âme puérile et complexe, amusée de ses difficultés vaincues, l'enfant barbare qui fut toujours en moi. Les iris noirs, et il faut que ce soit leur souvenir qui m'accueille au retour. Une main inconnue a fleuri de leur monstrueux calice tout le rez-de-chaussée de la rue de Varennes. De l'antichambre au petit salon qui sert ici de parloir, c'est à travers l'enfilade des pièces une inquiétante floraison de ténèbres, un jaillissement muet de larges et longs pétales de crêpe grisâtre. L'air de chauve-souris figé dans l'éclosion d'une fleur. Il y en a dans les grands vases cloisonnés du hall. Il y en a dans les urnes de sèvres blancs du grand salon et dans les satsumas de mon cabinet de travail. Des narcisses entêtants se mêlent à leurs calices partout. Et c'est comme une pluie d'étoiles lumineuses et candides dans tout ce deuil extravagant et noir. Le Suisse m'explique qu'elles sont arrivées l'avant-veille de Nice. Un envoi de 5 bourriches de fleurs, et qu'il a pris sur lui de les déballer et de les ranger dans les vases. L'expéditeur est Monsieur Étal. Étal est donc à Nice depuis quand? D'ailleurs, il y a un autre envoi d'Étal, m'apprend le portier. Une petite caisse a précédé de 8 jours cette avalanche de fleurs, mais la caisse vient de Londres, et comme elle portait personnel et fragile, en anglais et en français, sur toutes ses faces, à l'office, ils n'ont pas osé l'ouvrir, et ont attendu mon retour. Il y a aussi pour moi un monceau de lettres. Il y en a une de Londres, une de Nice, où monsieur le duc trouvera sans doute l'explication de ses envois. Il est 11 heures du soir, je tombe de sommeil. Mais ces fleurs et l'envoi de cette boîte mystérieuse ont éveillé ma curiosité. Et les nerfs fouettés, tout à l'envie de savoir, je ne songe plus à dormir, qu'on monte cette caisse ici. Et d'une main fébrile, je cherche dans le plateau encombré de lettres celle de Claudius. Quel courrier! Je suis demeuré à peine 6 jours à Fréneuse, et je retrouve plus de 30 lettres au retour. Je ne sais que trop d'où elles viennent. Entremetteuse, tenancier, d'hôtel louche, matrone et rabatteur, toute la vorace et vénale armée du vice acharnée sur mes pas, telle une meute, et depuis des années embusquée dans mon ombre, pour essayer d'animer mon ennui, d'attiser mon désir. Ces enveloppes que je froisse du doigt et que je n'ouvrirai pas, je sais trop ce qu'elles contiennent et quelles offres l'on m'y fait. Il y a des jours où la colère me monte avec des velléités d'envoyer ces lettres au procureur de la République et de purger un peu la société de leurs signataires. Il y a Poissy et Fresnes et Saint-Lazare. Mais après tout, il faut bien que tout le monde vive, et je sais trop, et par quelles expériences, quels amours faisandés et falsifiés, hélas, vendent sous le nom de primeur tous ces trafiquants d'âme et de chair. Mais c'est égal, après le calme et le silence angoissant de Fréneuse, cette rentrée à Paris, parmi les iris noirs des talles et le cours de la bourse, toute la prostitution de la ville est significative et justicière. C'est le Mahanet, Tessel, Fares, inscrit en lettres de flamme sur le mur du palais de Balthazar. Le Laciate Ogni Speranza du Dante ne vit pas seulement qu'à Fréneuse. Cette veillée hostile de fleurs sinistres à mon seuil, ces fleurs que j'ai aimées jadis, aux heures d'égarement et de fièvre, ces monstres que j'ai chantés, et cette correspondance honteuse de tous les courtiers et de toutes les courtières d'amour. Je traîne avec moi ma vie. Quel châtiment! Un soulagement pourtant dans ce dégoût. La nouvelle qu'Étal n'est pas ici. Son absence me rassure. Ces 2 lettres, dont je déchire l'enveloppe presque simultanément, confirment ma délivrance. Je les lis au hasard. Nice de mars. Mon cher ami, j'ai quitté Londres. Le divorce de Lady Kennerby m'a donné gain de cause. J'ai su prendre son sollicitor, et l'hypocrisie anglaise, dont j'ai eu tant à souffrir, m'a servi cette fois contre cet imbécile de Lord Edwards. J'ai bénéficié de sa condamnation en adultère. Le tribunal l'a débouté de ses prétentions sur mon portrait. Vous savez que c'est de toute mon œuvre, la toile à laquelle j'attache le plus de prix. La marquise Edith Kernebee est peut-être la plus jolie créature, au sens de mon esthétique, qui ait jamais vécu dans le royaume. Je l'ai encore idéalisée, exagérant sa grâce maladive et un peu funèbre. C'est ce portrait auquel j'ai travaillé pendant près de 6 mois que Lord Edward ne voulait pas me rendre et il n'était qu'à moitié payé. L'issue de son procès a rendu tout. Il est aujourd'hui la propriété de la marquise. Lady Kernebee est ici, à Nice, mourante, phtisique. La pauvre créature l'a toujours été. Mais les péripéties de ces derniers 6 mois l'ont singulièrement avancée. Si vous saviez comme elle est belle, affinée par cette lente agonie de 2 ans qui, maintenant, ne sera que trop brève. Je la vois tous les jours et passe la plupart de mes soirées auprès d'elle. Je l'ai rejointe ici et compte bien la décider à me céder ce portrait. Vous ignorez peut-être que Lady Kernebee est la sœur de Sir Thomas Wellcome. Wellcome est un enfant naturel, mais elle a toujours eu pour son frère l'attachement le plus tendre. Et si j'obtiens d'elle la cession du portrait que je convoite, c'est à l'expresse condition de le donner à Sir Thomas à son retour de Bénarès, où il doit être en ce moment. Quelle complication que ces familles anglaises! Si ce tableau me revient, je reprendrai mes pinceaux et vous verrez enfin de la peinture de votre Claudius. P.S. La marquise à qui j'ai parlé de vous m'a permis de saccager, en votre honneur, son jardin et ses serres. Je vous adresse de sa part et de la mienne aussi toute une moisson de narcisses et d'iris noirs. Je sais que vous les aimez, quoique vous ne me l'ayez jamais dit. Ceux-là sont particulièrement beaux, comme gonflés d'un sang effroyablement noir, de vraies fleurs de champ de bataille. Je les adresse moins à vous qu'à la petite idole que je vous ai envoyée il y a 8 jours. J'attends encore de ses nouvelles, et je suis même assez inquiet sur son sort. Il serait dommage qu'elle se fût égarée en route, car outre qu'elle est unique et d'une matière tout à fait rare, elle a toute une légende que vous savez, et ses yeux d'émeraude ont vu se dénouer un effroyable drame. Elle seule en connaît le fin mot qu'elle vous dira peut-être si vous lui rendez le culte qu'elle exige et vous montrez fervent adorateur. Je gage qu'elle aimera fort la forme et le parfum de ses iris. Je suis ici, jusqu'à nouvel ordre, un peu dans la posture d'un vautour qui guette un cadavre. Des fleurs pour une idole, un procès gagné. J'ai ouvert la seconde lettre avant la première. J'aurais dû commencer par celle datée de Londres. Mon cher ami, j'ai quitté Paris brusquement sans prendre congé de vous, appelé ici par un intérêt majeur. Le gros scandale du divorce Kernebee m'offre un joint pour reprendre et gagner mon procès contre Lord Edwards. Vous savez que ce mauvais mari détenait illégalement en sa possession le portrait que j'ai fait de sa femme. La marquise Edith vient d'obtenir le divorce contre le marquis. Elle reprend de droit sa fortune et tout son apport mobilier. Mon tableau se trouve être compris dans les objets lui revenant. C'est ce que son sollicitor, qui est aussi le mien, s'est efforcé de persuader au juge. D'où l'urgence, mieux la nécessité de ma présence ici. 1001 démarches personnelles, ça impose. Mais si ce portrait revient entre mes mains, je sens que le peintre que j'ai jadis été se réveillera et que mon labeur repris fera de moi un autre homme, en me redonnant le goût de la lumière et de la couleur. Briller les bons et les mauvais esprits pour que je réussisse. J'ai retrouvé ici parmi un tas de bibelots et d'objets oubliés une petite statuette qui vous intéressera. La petite Astarté d'onyx au pied de laquelle M. de Burdes fut trouvé étranglé dans sa petite maison de Woolwich, l'idole aux yeux d'émeraude dont il voulait instaurer la religion et dont le culte un peu sanguinaire a valu à notre ami Welcome les millions qui lui permettent aujourd'hui de voyager. Lors de la vente de Burdes, je l'ai disputé chèrement aux marchands de curiosités de la cité. Je me rappelle combien sa description parut vous préoccuper, le soir où je vous racontais la fin tragique de ce pauvre de Burdes. Cette petite idole de l'extrême Asie possède un assez joli nimbe de mystère. Welcome l'a connue peut-être adorée. Qui sait si elle ne lui a pas suggéré l'idée du meurtre, car l'Astarté de Carthage et de Tyr se nomme aussi dans les forêts de l'Inde la déesse Kali. Incarnation des étreintes d'amour, elle symbolise aussi les étreintes meurtrières et elle étrangle dans la secte des Thugs. Ces fanatiques, les Thugs, les fameux brahmanes étrangleurs du Delhi. Voici près de 10 ans qu'elle est mienne, et c'est presque une amie. Permettez-moi donc de vous l'offrir, en souvenir de Welcome et de moi. Ce sera un chaînon de plus dans l'invisible, et sorte de chaîne qui nous unit tous les trois. Je ne sais quand je pourrai rentrer à Paris. J'ai bien peur d'être forcé d'aller à Nice rejoindre Lady Kernby, qui est là, en traitement, depuis le commencement de l'hiver. Avez-vous été voir les Gustave Moreau, rue La Rochefoucauld? Je vous l'avais pourtant bien recommandé. Vous verrez là d'étranges regards limpides et fixes, des yeux hallucinés, d'une expression divine. Vous les comparerez aux émeraudes enchâssées dans le front d'onyx de l'idole, la nuit surtout à la lumière des cires. Vous verrez comme elles deviennent intenses. Le portier a monté la petite caisse dans le hall. En 3 coups de marteau, elle a été ouverte, et le foin ôté de délicats papiers de soie doucement développés, l'aveugle statuette androgyne a surgi. C'est bien la petite idole du récit de Claudius. Voici son torse plat, ses bras luisants et frêles, sa hanche fuyante. Iratique et démoniaque en pur onyx noir, elle attire et reflète en elle la flamme des bougies. Ses seins hardis et ronds pointent dans une lueur au-dessus du ventre, sombre. Un ventre étroit et plat qui se renfle à la place du sexe, au-dessus d'une petite tête de mort. La tête de mort ricane, symbolique, menaçante, triomphante des maternités et des races. Sous son front bas, c'est l'aveugle regard des 2 prunelles vertes, 2 yeux d'eau mortes qui ne voient pas. Dans le clair obscur de l'antichambre, les iris noirs et les narcisses se dressent. Silhouettes plus noires dans l'ombre alternée de blancheur. Leur veillée solennelle se prolonge dans l'enfilade des pièces. Tout l'hôtel a l'air d'être gardé par des fantômes de fleurs. Dehors, des fiacres roulent vers le boulevard Saint-Germain. La laine de tous ces calices plus fortes dans la nuit fait l'atmosphère lourde, irrespirable. La petite idole ricane, silencieuse, et une angoisse m'oppresse, et une stupeur. La ville d'or, le 18 avril 1898. Hier soir, à mon retour à Paris, c'était l'étrange accueil de toutes ces fleurs noires et de la petite Astarté d'onyx, l'énigmatique idole du sanctuaire de Woolwich. Introduite chez moi par la volonté d'Étal, c'était le souvenir de Thomas Welcome, soudain imposé par toutes ses présences, Welcome dont la sœur naturelle agonise, en ce moment à Nice, veillée, sinon guettée par ce même Étal. Et parmi toutes ces choses funèbres, voici que ce matin même, une lettre m'arrive de Bénarès, et son enveloppe timbrée des Indes anglaises contient 8 longues pages d'une écriture jusqu'alors inconnue, et cette écriture est celle de Welcome. Est-ce un hasard? Ces 2 êtres que lit je ne sais quel passé obscur, se sont-ils au contraire concertés d'avance? Et l'arrivée simultanée de ces fleurs, de cette statue et de cette lettre n'a-t-elle pas été combinée pour me frapper d'un grand coup? Et pourtant, combien réconfortante et différent des déprimants conseils de Claudius, la longue et lumineuse épître de Thomas, qu'elle appelle vers la santé et la délivrance. Non, cet homme-là ne me veut point de mal. Bénarès, 10 mars 1899. Que ne m'avez-vous écouté, cher monsieur et ami, à travers les émerveillements d'une terre de visions prestigieuses et de légendes consolantes, au fond de l'Inde mystérieuse des Védas? Que ne m'avez-vous suivi, comme je vous le demandais, comme je vous en ai supplié presque, dans la ville de l'extase et de la lumière, qu'est la très sainte Bénarès, et dire que vous êtes demeuré en Europe, sous l'azur étroit de nos villes, avec ce besoin torturant d'expansion qui est en vous, cette soif de la vie qui est votre mal, prisonnier des inhumaines lois de nos civilisations. C'est ici que vous auriez trouvé la sûre guérison, dans cette atmosphère de ferveur immense, cette permanence exaltation d'une foule en prière, adjurant jour et nuit d'une divinité presque visible dans la sublimité du décor et des ciels. Bénarès, la mosquée d'Aurangzeb et le grouillement infini du Gange, sous les barques des pèlerins et le pilotis des temples, aux gâtes des cinq rivières, ces lieux de palais, de mosquées et de dômes, baignant dans le fleuve, et leur innombrable escalier, descendant de degrés en degrés, escortés de statues, dans l'or mouvant de l'eau, car tout est d'or dans la ville sainte. D'or le ciel d'apothéose, où montent les dômes vêtus d'or, et les cônes roses des minarets. D'or les parvis, les colonnes, les auvents, des sanctuaires et les images des apsaras musiciennes jaillissant, tout en attitude d'essor éperdu, des corniches et des entablements des temples. D'or la nudité des mendiants s'écrasant en foule sur la rive du fleuve. D'or l'immobilité des fakirs dans l'extase. D'or les grands vases cultes entre les mains des prêtres processionnant sur les hautes terrasses. D'or la masse même des fidèles prostrés de degrés en degrés et de colonne en colonne dans la muette adoration de Ganja. Ganja Jai, la mer Ganja, la rivière sacrée, le fleuve saint entre les saints qu'ils implorent tous de leurs vœux. Toute l'Inde bouddhique vient aboutir ici, dans l'exaltation de la lumière et de la soif infinie, d'un bonheur certain, hallucinée, adorante et heureuse, heureuse dans la ferveur et dans la foi, la ferveur. Tout le secret du bonheur humain est là. Aimer avec ferveur, s'intéresser passionnément aux choses, rencontrer Dieu partout, et l'aimer éperdument dans chaque rencontre, désirer amoureusement toute la nature, les êtres et les choses, sans s'arrêter même à la possession, s'user dans le désir effréné du monde extérieur, sans même s'inquiéter si le désir est bon ou mauvais, car toute sensation est une présence, et la splendeur des choses ne vient que de l'ardeur que nous avons pour elles. L'important c'est dans le regard et non dans la chose regardée. Qu'importe d'où vienne l'extase, si l'extase nous vient. Toutes les émotions sont comme autant de portes ouvertes vers un prestigieux avenir. Le devenir, voilà la religion. Les choses du passé sont déjà mortes. Pourquoi s'attarder sur un cadavre? Chaque chose possédée est déjà une pourriture. Et quand nous regrettons une chose, c'est déjà un germe de mort que nous portons en nous. S'enrichir de désir. Toute la ferveur est là. Et à la ferveur est une délicieuse usure d'amour. Et Bénarès, depuis des siècles et des siècles, agonise et se meurt dans une ferveur intense. Et c'est cette ferveur même, cet extatisme halluciné de toute l'Inde qui la fait vivre et la soutient. Oh, le temple d'or et le saint des saints de la ville sainte, les étalages d'idoles, de lingam et de charmes amoureux de ces petites rues étroites, leur dévalement vers le fleuve, et là, parmi l'infinie succession des palais et des temples, la promiscuité effarante, puérile et charmante de ces races de l'Inde, où les brahmanes, les mendiants, les idoles et les bêtes sont subis, accueillis et respectés avec la même douceur apaisée et aimante par l'âme religieuse des foules. Des prêtres évoluent lentement autour d'un grand taureau de pierre rouge, qui est l'emblème même de Siva. Une femme arrose dévotement d'eau lustrale, un lingam de grès, et le couronne de soucis. Des vaches descendent, nonchalant, vers le fleuve en mâchant des fleurs. On glisse dans la bouse, et sur des feuilles fraîches, un mendiant implore une image informe qui est la planète Saturne. Par intervalles, de loggia en loggia, des gongs et d'énormes tambours font rage. Un grondement tonne, et c'est dans l'air lourd une vibration douloureuse, ardente. Des miasmes pesants montent du puits de science où réside le dieu. Le relent de pourriture des innombrables offrandes végétales entassées là. Dans le ciel fauve au-dessus des dômes vêtus d'or, des perruches d'émeraude entrecroisent de luisantes ellipses et s'accouplent en jacassant au frontispice des temples, et partout rôde une odeur de cadavre, de fermentation. L'âme inquiétante du puits de science qui contient la vie et la mort. Et ce sont les bateliers maîtres du fleuve et le refrain de Ganja Jai sur leurs lèvres noires, tandis que glissent à l'infini leurs larges barques paresseuses qu'une terrasse surmonte et où des familles entières vivent et meurent, bercées par le courant divin. Ganja, Ganja Jai. Et dans ce refrain guttural apparaît tout le mystère des humanités différentes. Ganja, Ganja, Jai. C'est l'écho même de la ville sainte, et c'est aussi l'écho des siècles, la voix d'ombre des idoles ténébreuses et des temps de mystère, l'âme même de cette impénétrable terre de l'Inde. Et toujours les palais se succèdent, bâtis par les princes hindous. On vous dit les noms, c'est celui du Raja d'Indore. Au balcon peint de ramages bleutés, on dirait Louis XV. Puis voici celui du Maharana, d'Old Deport, au mur crénelé, à la porte flanquée de deux tours, comme une citadelle. Des chiens, des grosses tortues dans l'eau, des flammes autour d'un bûcher, trois silhouettes rigides dans des linges, des groupes de gens silencieux. Ici, on brûle les morts. Les cendres vont au fleuve, et comme le damra de cette caste infâme, qui seul a le droit de fournir le feu, le fait payer fort cher, les pauvres s'en vont mal brûlés au cours de la rivière, et des milliers d'hommes se baignent journellement dans le Gange, et en boivent l'eau sans scrupule. Ainsi circule dans la nature la substance unique de la vie dans la mort, et ce sont encore des terrasses et des terrasses, des grouillements de foule sur de longs escaliers. Là, un observatoire ouvre sur la rivière d'élégants miradors où dorment des instruments gigantesques. Ici, une ruelle sombre dévale brusquement dans le fleuve. Y rêve un insecte, immobile entre des singes gris et des pigeons bleuâtres, se disputant un peu de grains tombés à ses pieds. Plus loin, un gâte aux marches disjointes, a laissé tomber un temple dans l'eau. Des colonnes, des sculptures émergent, des fakirs stylites y dressent leur maigreur et le remous berce des fleurs de soucis dans leur ombre. Et par-dessus le fouillis des bachots, des estrades, des bambous, des nudités saintes d'un lambeau d'étoffe, des patères libatoires allumées d'une lueur, des chiens vagabonds et des fidèles prostrés. C'est une folle floraison de parasols de paille, plantés à tous les angles, fichés dans tous les murs, de toutes les nuances de jaune, les uns, tels une poussée de champignons, d'or, au-dessus des échoppes, les autres à plat, au flanc d'une porte, comme autant de boucliers. Mille visions changeantes toujours renouvelées, le soleil couchant, les incendies. Et c'est l'atmosphère, déjà signalée de triomphe et d'apothéose, avec toutes les effluves inquiétantes venues du fleuve, relents de chair grillée, fragrance d'aromates, odeur de cannelle, de benjoin, de soucis flétris et d'étable, et toujours l'obsédant ganja, ganja jai, spasmodique comme un râle. Tout cela dominé par des jaillissements de clochetons et de dômes, des floraisons de pierres invraisemblables, les unes pareilles à des flammes, les autres à d'énormes lotus. Une architecture d'élan et de prière vers le ciel, mouvante dans la chaleur par la diversité de ses formes et toute crépitante d'étincelles dans la magnificence des soirs. Un de ces soirs, comme en ont évoqué seuls votre Villiers de l'Isle-Adam, dans le métal, en fusion de son verbe, et votre Gustave Moreau, dans l'embrasement gemmé de sa palette. Le Triomphe d'Alexandre, connaissez-vous le petit musée de la rue de la Rochefoucauld? Là seulement, parmi les trésors d'une œuvre unique, vous pourrez, en vous hypnotisant, connaître la splendeur enflammée de l'atmosphère d'apothéose d'un soir de mars à Bénarès. Bénarès, j'y suis déjà, depuis 15 jours, et dans l'émotion religieuse de toute une ville extasiée. Tous les jours, à chaque crépuscule, j'y regarde le soir, comme si le jour devait mourir. Quand un spectacle atteint ce grandiose dans la beauté, il semble qu'il devrait à jamais disparaître. Sous nos climats d'Europe, de pareilles émotions ne peuvent se vivre deux fois. Et c'est pourquoi je vous voulais ici, pourquoi je lance vers vous ce dernier appel, avec un cœur aimant et liquide, prêt à se répandre de toutes parts comme le vôtre. Vous vous épanouirez ici dans la plénitude de tous vos désirs, ne serait-ce que dans l'exaltation de la lumière, où chaque être et chaque objet ont la vibration d'un métal et la nuance d'une fleur. Vous renaîtrez dans un ciel neuf, avec un être neuf, au milieu de choses complètement renouvelées. Vous apprendrez à porter votre bonheur avec vous et à ne pas le demander au passé. Le passé est une charogne, c'est lui qui empoisonne tout votre moi. Vous vivrez à Bénarès dans une stupéfaction passionnée, au milieu d'une magnificence d'architecture, de race et de climat, où chaque minute aura pour vous la saveur d'une rencontre imprévue et parfaite. C'est à ces rencontres que je vous convie. C'est parce que je les ai faites que je vous dis, venez. La vie est ici ce qu'elle devrait être, un étourdissement enivré. L'aigle se grise de son vol, le rossignol s'enivre des nuits d'été, la plaine tremble de chaleur, et l'aurore rougit de joie, comme la lune pâlit de volupté. C'est la civilisation qui a déformé la vie. Chez les peuples jeunes, toute émotion est une ivresse et toute joie devient religieuse. Le bouddhisme, qui prosterne ses foules au bord du Gange, est la reconnaissance attendrie et ravie de toute une race envers ses dieux. Et comme ce peuple est jeune, quoique millénaire, il s'use voluptueusement dans la ferveur et ne fixe que l'avenir, insouciant de goûter aux eaux croupies du passé. Halluciné d'espérance, il s'isole dans sa vision, absorbé dans la contemplation de la nature et indifférent aux contingences immédiates. Et l'agitation des autres autour de lui n'augmente que le sentiment de sa vie personnelle. Le coudoiement n'existe pas pour le fakir. Oh, que nous sommes loin ici de la vieille Europe. Venez, accourez vite ici, mon cher duc. L'Inde vous sera une délicieuse convalescence. Vous y respirez l'odeur du lotus éternel, comme dans ce sonnet d'Harry Renan, dont les rimes me sont revenues ces derniers jours à Bénarès, et qui contient toute la morale hindoue. Les brahmanes m'ont dit, médite les sutras, l'accès du grand repos s'ouvre à la rêverie. Ceux dont la robe est longue et la mitre fleurie m'ont offert le plaisir et ont ouvert leurs bras. Puis les nobles m'ont dit, suis-nous, tu choisiras la caste qui te plaît avec la draperie qui te sied. J'écoutais dans la léproserie le chandala chanter, aime et tu souffriras. Et j'ai choisi d'aimer et de souffrir dans l'ombre. J'ignore mes péchés, on dit qu'ils sont sans nombre. Mais la sagesse et l'or n'ont point séché mon cœur. Marchant sous l'anathème et drapé d'hérésie, du lotus éternel j'ai respiré l'odeur, et dans ma tasse en bois j'ai goûté l'ambroisie.